إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 41 aujourd'hui dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim. Et on est toujours en train de parler de la question des divergences et de la division dans la religion. Et on explique à quel point les divisions et les divergences dans la religion sont nuisibles et mauvaises. Et on explique aussi les différentes sortes de divergences. Au dernier cours, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans les passages qu'on a lus, il expliquait que la divergence est divisée en deux catégories. Et qui peut me rappeler les deux différentes catégories de divergence qu'on a mentionnées au dernier cours? Barakallahu fik. Donc, ikhtilaf al-tanawwu' et ikhtilaf al-tadad. C'est quoi, puisque tu as répondu Islam, c'est quoi la définition de Ikhtilaf al-Tanawwu' et c'est quoi la définition de Ikhtilaf al-Tadad? Non, mais je te demande pas par rapport à ce qui est blâmable ou pas, mais plutôt, wa alaykoum salam wa rahmatullah, mais plutôt la signification de chacune des deux. Plutôt c'est des divergences de variété, dans le sens qu'il y a plusieurs variantes d'une même action ou d'une même adoration. Donc il y a plusieurs façons de la faire, cette adoration-là. Donc pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs... le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné plus qu'une façon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle « ikhtilaf al-tanawwu'. Donc il y a des preuves qui sont bonnes et qui mentionnent qu'on peut toutes les prendre, puis qu'elles sont toutes... acceptable, parce que tu peux choisir une ou l'autre. Tandis que l'autre, c'est Ikhtilaf al-Tadad. C'est quoi? C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui impliquent qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire que une nie l'autre, ou une affirme ce que l'autre nie, ou ainsi de suite. C'est deux choses qui sont contradictoires. Puis dans des questions comme ça, quand il y a une contradiction, bien c'est sûr que c'est quelque chose qui est interdit. On va en parler de ça. On va expliquer qu'est-ce que ça signifie dans qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Le cheikh, il commence, il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans le passage 149 à la page 288, il dit wa mathaluhu al-ikhtilaf wa mithluhu al-ikhtilaf ikhtilaf al-anwa' ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه وإن كان قد يقال أن بعض أنواعه أفضل. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que l'exemple des اختلاف التنوع, c'est comme les divergences par rapport aux différentes formes de adhan. Il y a différentes façons de faire le adhan qui ont été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chacune de ces différentes façons sont supportées par des hadiths authentiques, et les sahaba ont pratiqué plusieurs d'entre les différentes sortes. Donc, il n'y a pas une, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une interdiction de choisir une forme plutôt qu'une autre. D'accord. La même chose pour al-iqama. Ok. Al-iqama, faire l'iqama avant la salat. La même chose pour du'a al-istiftah. C'est quoi du'a al-istiftah, Abdullah? Ah, tu sais pas. Barakallahu fik. Donc, il a répondu, il ne sait pas. Donc, qu'est-ce que c'est du'a al-istiftah? C'est quand tu fais le takbiratul ihram, avant de commencer à dire surat al-fatiha, tu commences par un petit du'a. Ok? Le nom, tu connaissais pas le nom, mais tu savais qu'est-ce que c'était. Donc, du'a al-istiftah, c'est ça. C'est le du'a de l'ouverture. Non, c'est ça. Subhanakallah wa bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Non, Allahumma ba'id bayna khatayaya, kama ba'adta bayna al-mashriq wa al-maghrib, ila akhirihi. Donc, tout ça, c'est différentes versions, différentes formes de du'a al-istiftah. Ok, donc c'est ça. Il y a des adhkar comme ça, on se souvient jusqu'à. On est habitué de le faire dans un contexte. En dehors de ça, des fois, on a du mal à s'en souvenir. Bon, at-tashahhudat, c'est quand on fait le tashahhud, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs façons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire le tashahhud. Si je me souviens bien, dans le livre de Sheikh al-Albani, Iqtida Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il y a les différentes formes de tashahhud. Je pense qu'il y en a 8 versions différentes. Donc, les 8 sont valables, sont bonnes, sont rapportées de façon authentique de la part des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi les différentes façons de faire salat al-khawf. Salat al-khawf, c'est la prière dans les moments de crainte, comme par exemple pendant la guerre, pendant la bataille. Il y a différentes façons de faire la prière dans ces circonstances-là. Ok. Et également... Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et également, il y a les différentes takbirat pour le Eid, différentes façons de faire le takbir pour le Eid, et les différents nombres de takbir pour la janaza aussi. Ok? Donc, ça c'est, il dit le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, il y a beaucoup d'autres exemples de ça, et tout ça, ça a été légiféré, même si on peut dire que certaines de ces versions-là sont meilleures que d'autres. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Fawzan, en parlant de ce point-là? Il dit, النوع الثاني من الاختلاف التنوع اختلاف الروايات في الحديث الواحد. Donc, c'est ça. اختلاف الروايات في الحديث في اختلاف الروايات. Donc, ça, c'est une autre sorte de Ikhtilaf al-tanawwu'. Au dernier cours, on a mentionné l'exemple des différentes récitations ou des différentes lectures du Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait eu une divergence entre Abdullah ibn Mas'ud et un autre compagnon. Là, il mentionne une autre sorte d'ikhtilaf al-tanawwu', ou ces différentes sortes maintenant, c'est lorsqu'il y a différentes narrations à propos d'un même sujet, d'un même hadith. Donc, اختلاف الروايات في الحديث الواحد مثل الأذان والإقامة وتكبيرات العيد في الصلاة حيث قد وردت فيها روايات وأحاديث وكل من أخذ بصفة من هذه الصفات الواردة فهو على حق لأن معه دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وجه للإنكار على من أخذ برواية صحيحة دون الأخرى ويتعدد الأدلة لتعدد الأدلة فالمقصود أن الاختلاف المبني على تعدد الروايات لا يذم وكذا بقية الأمثلة التي ذكرها الشيخ أن من أخذ بنوع مما صح منها وعمل به فهو محسن. Donc il dit que, comme les divergences dans les différentes narrations, s'il y a plusieurs narrations d'un même hadith, comme dans l'adhan ou pour l'iqama, les takbirat pour l'aïd, dans la salat ou des choses comme ça, il y a plusieurs riwayat, plusieurs narrations qui ont été rapportées pour ces hadiths-là. Et celui qui prend une description parmi les différentes descriptions qui ont été rapportées, il est sur la vérité. hein, parce qu'il possède un dalil du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce qu'il fait. Et il n'y a pas aucun, il n'y a pas de justification de condamner la personne qui a pris ou qui a adopté une narration plus qu'une autre. Donc, comme on a dit, il n'y a pas de problème et on n'a pas à condamner la personne qui prend une des narrations authentiques sur les différentes façons de faire ces actes-là ou ces pratiques-là plus qu'une autre. Elles sont toutes correctes et il y a plusieurs preuves qui justifient ces pratiques-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut expliquer maintenant par rapport à ça, c'est que les divergences qui sont basées sur le fait qu'il y a plusieurs narrations qui sont rapportées au sujet de quelque chose en particulier, ben on peut pas blâmer la personne quand elle fait ça. C'est-à-dire quand elle fait quelque chose basé sur différentes narrations qui ont été rapportées par rapport à une adoration quelconque. Et il dit que c'est la même chose pour les autres exemples que Cheikh al-Islam a mentionnés. Si quelqu'un prend une façon de faire l'adoration en question en se basant sur une des narrations qui est authentique sur l'exemple en question, dans ce cas-là, il a agi correctement et il est correct dans ce qu'il a fait. Ensuite, Cheikh al-Islam, il dit ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم كاختلافهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est le passage 150. Il dit que on trouve que beaucoup d'entre les gens de la Umma ont divergé dans certaines de ces différentes formes de faire les adorations et ça les a amenés parfois jusqu'à commencer à vouloir à se diviser en groupes puis à se combattre les uns les autres à cause de ces divergences là. Comme par exemple les divergences au sujet de l'Iqama. Est-ce que quand tu dis « qad qamatis salat », tu le dis une fois ou deux, hein? Il y en a qui ont divergé par rapport à ces questions-là. Et ça rentre dans qu'est-ce qui est interdit. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, à cause de divergences sur ces sujets-là, d'amener l'affaire à un point tel que tu vas être en guerre ou tu vas commencer à disputer avec les autres sur ces questions-là, puisqu'il y a divergence, il y a différentes preuves qui supportent les deux. Et il dit, ceux qui ne sont pas allés jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire qui ne sont pas arrivés jusqu'à commencer à s'entretuer, ou pas s'entretuer, mais se combattre à cause de ça, eh bien, tu vas trouver que plusieurs d'entre ceux qui ont une maladie ou une passion dans le cœur, soit il va s'accrocher plus à une des formes de ces adorations-là, plus qu'une autre, et il va complètement se détourner des autres façons de le faire, ou bien il va l'interdire, hein, et il dit, ça rentre dans qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Ça rentre dans qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit par rapport au fait de faire des disputes par rapport à ces genres de divergences-là. C'est des choses qui dans lesquels on peut avoir des divergences, ça dérange pas. Tanawwu. Non, on n'a pas encore parlé de tadad encore. OK? C'est parce que l'islam, peut-être qu'est-ce que l'islam a dit, ça peut induire des gens en erreur. Parce que la façon comment il a expliqué l'affaire au début, c'était pas exactement ça de la façon comment on doit le comprendre. Par exemple, ikhtilaf at-tanawwu, c'est pas vrai de dire que c'est celle qui est permise. Puis ikhtilaf at-tadad, c'est pas vrai de dire que c'est elle qui est interdite. C'est pas ça qu'est-ce que Cheikh al-Islam est en train d'expliquer. Cheikh al-Islam, il est en train d'expliquer que il y a des gens dans l'ikhtilaf at-tanawwu, ils sont comme s'ils agissent comme si tu, même malgré qu'il y a une variété de façons de faire la chose, eux ils deviennent comme fanatiques pour une version en particulier, puis ils rejettent les autres façons de le faire. Alors qu'il y a plusieurs façons de le faire, eux ils veulent obliger ou rendre obligatoire une forme seulement. Puis s'ils voient quelqu'un d'autre faire une autre façon qui est aussi valable, ils font une dispute avec cette personne, hein, alors que il n'y a pas de raison de faire de dispute sur ces questions-là, puisque c'est irtilaf tanawwu. Il y a plusieurs façons de le faire, tu comprends? Donc si quelqu'un fait des divergences et il fait des disputes sur ces divergences-là, alors que ce sont des divergences qui sont acceptées, qui sont supportées par des preuves, ça c'est blâmable et c'est interdit de se disputer et de faire des conflits à cause de ce genre de divergences-là. Tandis que irtilaf al-tadad, ça c'est une autre question, hein? C'est un autre sujet, on va en parler justement tout de suite après, inshallah. Avant de rentrer dans Ikhtilaf al-Tadad, on va lire les commentaires de Cheikh al-Fawzan sur qu'est-ce qu'on vient juste de lire maintenant. Il dit أي أن هذا النوع من الاختلاف لا يذم عليه لأن صاحبه أخذ بدليل وهذا يدل على يسر التشريع ولله الحمد فكثرة الروايات تدل على التخيير بين هذه الصفات. Donc le Cheikh il dit que ici cette sorte de divergence, on ne peut pas blâmer la personne qui a pris une de ces différentes versions et qui s'est basée sur un dalil, qui s'est basée sur une preuve. On ne peut pas le blâmer, hein? Si quelqu'un, par exemple, quand il commence la salat, si par exemple quelqu'un il décide de faire dua al-istiftah, subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk, puis un autre il fait wajjahtu wajhiya lillahi, et puis un autre il fait une autre version, et l'autre il entend ça et dit ya akhi, qu'est-ce que tu dis là, c'est pas ça qu'il faut dire quand tu commences la salat. Il faut dire subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Et là il commence à se disputer avec l'autre à cause de ça. Et tous les deux ils ont raison parce que les deux ont été rapportés dans le hadith, tu vois. Donc de faire des disputes par rapport à ça, ça c'est quelque chose qui est interdit. Tu n'as pas le droit de blâmer la personne qui le fait. Mais des fois, à cause de l'ignorance de la personne, elle est fanatique ou bien elle est ignorante, elle veut juste faire une chose parce qu'elle a juste appris celle-là, puis elle nie tout ce qu'elle ne connaît pas. Donc c'est ça le danger. Bon, ça peut être aussi du fait que certaines personnes, comme tu dis, ils vont prendre juste d'un seul cheikh, et c'est du cheikh de qui ils ont appris en premier. C'est-à-dire, si quelqu'un il a appris quelque chose, comment faire dans la religion, en se basant sur les cours d'un cheikh qu'il a écouté ou entendu, puis qu'il n'a pas étudié d'autres, avec d'autres shuyukh, et il ne connaît pas les preuves, hein, et les détails de chaque question, parce que parfois les machers, tu vas prendre un cours, tu vas étudier avec Cheikh Al-Albani un sujet, Cheikh Al-Albani il a des opinions parfois différentes de Cheikh Ibn Uthaymeen, et Cheikh Ibn Uthaymeen il a des divergences parfois avec Cheikh Ibn Baz et des choses comme ça. Donc certains, ils ont appris avec un cheikh, et là, étant donné qu'ils ont appris, la première fois qu'ils ont appris, c'était avec tel cheikh, là, ils s'imaginent que tout ce qui existe en dehors de ce qu'il a appris avec ce cheikh est faux. Donc, quand il va voir un frère qui va faire quelque chose que lui, il n'a pas appris avec son cheikh, il va dire, « Yeah, ça, c'est pas correct. » Mais des fois, il y a des détails au sujet de cette question-là, et il ne sait pas, lui, que certains savants ont pris une autre opinion basée sur un autre dalil ou des choses de ce genre, et que le dalil que lui il suit, par exemple que le cheikh qu'il a suivi lui, il a compris son dalil mais d'une façon différente, il l'a interprété différemment, il l'a compris différemment, ça fait que ils ont pas eu la même conclusion ou le même point de vue sur le sujet. ça c'est un autre niveau. Parce que c'est pas par rapport nécessairement toujours. C'est-à-dire au niveau où les gens commencent à se diverger par rapport au shuyur. C'est pas la même chose que se diverger par rapport au adilla, aux preuves, tu comprends? C'est un autre. C'est pas le même degré. Parce que, en principe, on n'est pas supposé de se diverger diverger entre nous par rapport aux paroles des shuyur. Parce que les paroles des shuyur ne sont pas des preuves en elles-mêmes. Dans l'islam, qu'est-ce qui est la preuve? C'est soit qu'est-ce qui est dans le Coran ou dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça les fondements de la législation islamique. Les paroles du savant, elle n'est pas une preuve. Elle peut être quelque chose qui vient confirmer ou raffermir la vérité, ou bien elle peut être une erreur. Mais elle ne peut pas être prise par elle-même toute seule comme une preuve. La preuve, c'est que si un cheikh il dit quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna, on n'a pas le droit de l'apprendre. Hein? Donc ça, c'est pour ça qu'il faut faire une différence entre les deux. Cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite que quand tu vois que, par exemple, il y a différentes narrations sur un sujet et qui montrent que tu peux le faire de plus qu'une façon, il dit que ça, c'est pour montrer la facilité dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir facilité pour nous dans ces questions-là. Donc, lorsqu'il y a plusieurs narrations sur un seul sujet, ça indique qu'on a le choix dans les différentes descriptions de ces différentes adorations-là. Après, il dit وَقَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ هَذَا الْمَبْلَغْ فَتَجِدُ كَثِيرًا مِنْهُمْ فِي قَلْبِهِ يعني فَتَجِدُ كَثِيرًا مِنْهُمْ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْهَوَى أي أننا نجد كثيرًا من المتعلمين الجهال يتصارعون في المسائل التي من هذا النوع أي التي يسوغ فيها الاختلاف والتي هي مبنية على أدلة وروايات صحيحة يتنازعون ويختلفون مع أن الأمر فيه سعة. Donc c'est ça que le cheikh il décrit maintenant. Il dit il y en a d'autres, ça arrive pas jusqu'à ce point là, c'est pas aussi grave que ça, ils vont pas aller jusqu'à se combattre, mais ceux qui ont une maladie dans le cœur, ils vont faire des disputes à cause de ça quand même. Ils vont quand même se fâcher pour ces affaires-là. Achi, moi j'ai appris ça, hein, dans un livre. Et ça fait 20 ans que je le sais. Et l'autre, achi, moi j'ai appris dans un autre livre telle chose. Et là, ils commencent à se disputer pour ça. Donc le cheikh il dit, tu vois beaucoup de gens qui prétendent à la science, mais ce sont des ignorants. Et qui se disputent dans ces questions-là. Qui font partie des choses qu'on a le choix de choisir soit une version ou l'autre. Donc il n'y a pas de raison de se disputer ou de faire des disputes ou des désaccords sur ces questions-là. Ça, souvent, tu trouves ça chez les nouveaux convertis ou chez les gens qui ne sont pas arabophones, qui n'ont pas étudié l'islam. Ils ont appris un livre, une chose, un dars, une khutbah. Ils ont entendu quelque chose dans une khutbah, un shir qui disait telle chose ou telle chose. Même parfois, vous voyez dans, par exemple, les mashaykh, les ulama, dans un dars, ils vont dire une chose sur une question dans le fiqh, puis dans un autre dars, ils vont dire une autre opinion différente de celle qu'ils ont dit dans l'autre dars. Donc là, tu vas dire, comment ça se fait, hein, que l'autre il dit, moi je me base sur qu'est-ce que Cheikh Ibn Baz a dit. Puis l'autre il dit, ouais, mais moi aussi je me base sur qu'est-ce que Cheikh Ibn Baz a dit. Parce que lui il se base sur qu'est-ce que Cheikh Ibn Baz a dit dans un dars ou dans un livre, et l'autre il se base sur qu'est-ce que Cheikh Ibn Baz a dit dans un autre dars ou dans un autre livre. Mais pourquoi? C'est parce que Cheikh Ibn Baz au début il avait cette position là, plus tard il a réalisé qu'il a trouvé d'autres preuves qui supportaient l'autre opinion et il a changé de position. Il considère maintenant que l'autre opinion est plus forte que la première. Donc des fois le même cheikh il peut avoir plusieurs opinions. Des fois, tous les deux sont bons. Des fois, une est plus forte que l'autre. Mais, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est important dans ces questions-là? Si c'est quelque chose que les deux sont bons, ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose qui est basé sur un dalil et que l'autre était faible, dans ce cas-là, il faut chercher la vérité. Il faut essayer de savoir lequel est plus proche de la vérité. Naam. C'est qu'il faut tenir compte aussi dans les fatwas de la question qui est reliée à cette fatwa. parce que chaque fatwa est relié à sa question. Et dans certaines questions, parfois, il y a des détails qui sont différents. Toi, peut-être, tu lis les deux questions, tu penses que c'est la même question. Mais il y a des différences entre les deux, même si c'est des petits détails, des fois, ça peut changer la réponse. Donc, toi, tu prends une réponse sur un sujet, et l'autre, il a une autre réponse sur un autre sujet ou un autre détail qui est plus spécifique, ça fait que la réponse est différente. Tu vois, c'est pour ça que les fatwas, il faut faire attention. Des fois, tu veux appliquer une fatwa, quelque chose qui a été posé à un cheikh, dans un contexte. Puis, la fatwa, toi, tu la prends, puis tu veux l'appliquer dans un autre contexte différent. Alors que c'est pas nécessairement le cas. Donc ça, c'est aussi des problèmes qu'on constate chez les jeunes, Allah musta'an. Donc le cheikh, il a dit, donc, quand des ignorants et des gens qui prétendent à la science, commencent à agir de cette façon-là, ils commencent à se disputer dans ces questions-là, ça c'est pas correct. Non, ça rentre peut-être dans la conjecture. Il dit, Allati yasuru fiha l'ikhtilaf. Il y a des choses dans lesquelles c'est permis de diverger, comme ces exemples-là. Et donc, pourquoi? Parce qu'elles sont toutes fondées et basées sur des narrations et des hadiths authentiques. Et ils se disputent et ils divergent entre eux dans des questions dans lesquelles on a du lus. Hein? On a de. Comment on dit en français? Du lus. Comme si. Ouais. Lus, c'est pas en français. Hein? Oh, oui, c'est ça. On a une marge de manœuvre. Non, parce que ici, non, au Québec, on dit du lus, mais je pense que les Français, ils connaissent pas cette. Parce que lus, ça vient de l'anglais. Hein? Lus. To be something when it's lus. C'est-à-dire, souvent quand on dit du lus, c'est-à-dire quand. Oui, c'est ça. Quand quelque chose est tendu, on dit que c'est, il n'y a pas de jeu, tu peux pas bouger. Mais quand c'est lus, c'est-à-dire il y a du jeu, tu vois, tu peux jouer avec, tu peux l'adapter, disons. Donc c'est ça, une marge de manœuvre et tout, il y a une place pour différentes versions ou façons de pratiquer. Ok, d'accord. Donc le cheikh il dit ensuite, wa minhu, donc cheikh Ibn Taymiyyah, il dit maintenant le passage 151, wa minhu ma yakunu kullu min al qawlaini huwa fil waqi'i fi ma'na al qawl al akhar, walakin al ibaratan mukhtalifatan, kama qad yakhtalifu kathirun min al nas fi al fadhin al hudud wa al ta'rifat wa siyagh al adillah. كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك، ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمل إحدى المقالتين على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. سبحان الله. Donc ça c'est des choses qu'on retrouve souvent. Ok, qu'est-ce que Ibn Taymiyyah il mentionne ici, c'est que des fois deux personnes ils disent la même chose. En réalité, ils disent la même chose. Ils ont les mêmes positions, sauf qu'ils le disent pas dans les mêmes expressions ou avec les mêmes paroles. Et donc, à cause de ça, les gens ils se disputent ou ils sont en divergence à cause de ça. Et ça, c'est triste, mais ça arrive souvent, yani. Des fois, les gens, ils disent la même chose, mais ils disent pas la même façon. À cause de ça, ils se comprennent pas. Donc, la raison pourquoi des choses comme ça, c'est quoi? Le cheikh, il dit, la raison pourquoi ces choses-là, ça arrive, c'est parce que souvent, les gens, ils ont pas les mêmes définitions pour les mots qu'ils utilisent. Tu vois? Toi, tu utilises un mot, mais dans ta tête, tu lui donnes telle signification, puis l'autre, il utilise le même mot, mais dans sa tête, il a une autre signification. Donc les définitions, les interprétations des termes qu'on emploie et les différentes formulations des preuves et la façon d'exprimer les mots et les noms et les appellations et la façon de diviser les règles aussi, parfois. C'est comme, parfois, des fois, il y a dans tel madhab, ils ont divisé les règles de telle façon. dans une telle classification, mais avec des noms différents. Puis un autre madhab, ils ont divisé les classifications, mais avec des noms différents, mais c'est les mêmes classifications, mais pas classées la même. Hein. Par exemple, tu vas voir des fois un cheikh, par exemple, il va dire, bon, je te donne juste un exemple, ok? Dans certains livres, tu vas lire les conditions de la ilaha illallah, un cheikh, il dit, il y en a 7. Dans un autre, tu vas lire, il y en a 8. Donc, pourquoi? Parce que dans une des divisions, il y a des choses qui ont rajouté 8. Pourquoi le 8e, c'est al-kufr bit-tahout. D'accord? Il y en a d'autres qui ont considéré que c'était déjà inclus dans al-ikhlas. Donc, ils vont dire, on n'a pas besoin de rajouter parce que c'est déjà compris dans les autres. Donc, c'est pour dire, des fois, il y a des exemples comme ça. Et il y a des gens, il dit, à cause de l'ignorance ou à cause de l'injustice, ça amène quelqu'un à glorifier une position par-dessus l'autre et à critiquer l'autre opinion. Hein? À cause de l'ignorance ou de l'injustice. Cheikh Al-Fawzan dit, ومنهم ما يكون كل من القولين النوع الثالث من اختلاف التنوع. Donc ça c'est la troisième forme de divergence dans les variétés ou les variations de divergence. Hein, quand il y a les divergences de variation, il dit ما كان الاختلاف فيه على نوعين. النوع الأول أن يكون الاختلاف فيه حسب الأدلة والروايات وهذا قد فرغنا من الحديث عنه. والنوع الثاني أن يكون المعنى واحد والألفاظ مختلفة. فكل واحد يأخذ بلفظ وينكر على الآخر مع أن المؤدى واحد. وقوله ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين يعني إما الجهل بالأدلة التي مع الآخر أو الظلم وهو التعصب للرأي لأن التعصب نوع من الظلم. فبعضهم يقول لو كان مع المخالف دليل لا أقبل دليله لأن إمامي أعرف لأدلة هذا للأدلة وهذا تعصب وظلم. ولذلك يروى أن بعض الحنفية كان يصلي بجانبه مصل يشير بسباباته في التشهد فما كان منه إلا أن كسر إصبعه وهذا الفعل لا يصدر إلا عن جاهل ظالم. سبحان الله. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit que, donc on a mentionné un exemple de ikhtilaf al-tanawwu', hein, c'est lorsque par exemple comme on a dit tout à l'heure il y a différentes variations d'une seule et même chose. Et là il mentionne un autre exemple, c'est lorsque les gens sont en divergence entre eux parce qu'ils utilisent des termes différents mais qu'ils veulent dire la même chose. Hein? Ils veulent dire la même affaire, ils utilisent des termes différents pour exprimer la même chose, mais en fait ils pensent qu'ils sont en divergence, mais en réalité ils disent la même chose mais ils le savent pas parce que la façon d'exprimer leur point de vue, ils utilisent des termes différents. Donc le cheikh il dit, puis ensuite l'injustice, l'ignorance et l'injustice va amener la personne à glorifier une des positions ou à critiquer l'autre. Et il dit, ça c'est l'ignorance des preuves qui amène quelqu'un à agir de cette façon-là. Et ou bien c'est l'injustice. Et il dit, l'injustice c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un s'est attaché fanatiquement à une opinion et à un point de vue. Donc le fait d'être fanatique envers une opinion ou à un point de vue, il dit le cheikh que ça c'est une forme d'injustice. Donc il dit, par exemple, il y a des gens qui disent ça. Peut-être que certains d'entre vous l'avez déjà entendu, peut-être que non, mais c'est pas grave. Moi j'en ai entendu des gens qui parlent de cette façon-là. Le cheikh il dit, certains, si tu lui mentionnes une preuve par rapport à une adoration ou quelque chose de la religion, il dit lui, moi si quelqu'un qui est en contradiction avec moi a une preuve, il dit, je n'accepte pas sa preuve. Pourquoi? Parce que mon imam et mon cheikh, il a plus de connaissances des preuves que lui. Hein? Donc il va dire, moi j'accepte pas ce qu'il dit lui. Et même s'il m'amène des preuves, je n'accepte pas sa preuve. Parce que mon cheikh, il connaît plus les preuves que lui. Et mon imam connaît mieux que son imam. Et donc il dit, ça c'est du fanatisme, c'est de l'injustice. Et on a même rapporté que certains parmi les ahnaf, souvent tu retrouves les gens qui sont les plus fanatiques dans les questions de madhab, les questions de ces divergences-là, c'est les gens qui suivent le madhab al-hanafi. Ça c'est... Il ne faut pas penser que les ahnaf c'est seulement le jamaat tablir. Non. Il y a beaucoup de... Non, mais c'est pour que tu comprennes que le madhab al-hanafi, il est en Inde, au Pakistan, en Turquie, au Bangladesh et dans beaucoup d'autres pays. Et ça ne se limite pas que aux Indiens, ça ne se limite pas que aux Pakistanais, ça ne se limite pas que à jamaat tablir. Mais le jamaat tablir, ceux qui, les fondateurs de jamaat tablir, la majorité sont ahnaf, sont des ahnaf, oui. Et ils sont de l'école, qu'on appelle l'école des Diobandiya. C'est ça qu'on appelle l'école des Diobandiya, qui sont des soufis, et puis c'est des fanatiques dans le madhab al-hanafi. Puis dans l'aqida, ils sont maturidiya. Ils sont sur l'aqida des gens de Kalam, la secte qu'on appelle les maturidiya, qui ressemble à la secte des Asha'ira, qui déforme les attributs d'Allah. Donc, ces gens-là, même en Turquie aussi, c'est la même chose. Ils sont très fanatiques et ils suivent aveuglément leur madhab. Puis, ne demandent-leur pas les adillas ou les preuves. Ça, pour eux, ils connaissent pas ça. Eux, qu'est-ce qu'ils ont souvent pour apprendre leur religion? C'est des textes, des textes écrits par des shuyukh de leur madhab qui leur dit, tu fais ça, ça, ça, ça, ça. Aucun dalil écrit dedans. C'est juste, tu pratiques et tu suis aveuglément. Donc, c'est pour ça que souvent tu as trouvé parmi ces gens-là des gens très, très fanatiques, malheureusement. Et le cheikh, il dit, parmi eux, il dit, il y en a un, une fois, il prie à côté d'un sunni, quelqu'un qui est musulman à côté de lui, puis dans le tashahhud, il montait son doigt pendant le tashahhud. Comme c'est mentionné dans la sunna. Étant donné que lui, il ne connaît pas cette sunna, il a pris son doigt et lui a cassé. Donc le cheikh il dit, la personne qui agit comme ça, c'est juste une personne qui est ignorante, hein, et qui est injuste. Ça c'est pas correct d'agir de cette façon là, parce que quelqu'un fait quelque chose de façon différente que toi tu connais pas, hein, tu rejettes qu'est-ce qu'il fait sans même savoir si c'est supporté par un dalil. Pendant le tashahhud, tu lèves ton doigt. C'est ça. Oui. Il y en a qui le bougent, il y en a qui ne bougent pas, mais ils lèvent leurs doigts. Donc là, lui, il faisait comme ça, pas de tashahhud. Quand il a vu ça, il a cassé le doigt. Dans la prière. Oui. Et c'est où que ça s'est passé? Et le cheikh, il a mentionné ça comme exemple. Oui. C'est pas moi qui l'a dit, là. C'est le cheikh Al-Fawzan qui dit ça. Il dit, فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ كَسَّرَ إِسْبِعَهُ. Tu vois? Il a cassé son doigt. Non, je le sais, ça m'est arrivé. Oui, non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis? J'étais à Médine, j'étais dans le dars de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad. Et moi, je faisais le tashahhud, j'ai bougé mon doigt. Tout de suite après la prière, le frère, il m'a pris mon doigt comme ça dans sa main. Je te jure. Bon, je sais pas s'il voulait me le casser ou non, mais j'ai vu qu'il a fait ça. Il y a un autre frère qui lui a dit, « Ah, pourquoi tu fais ça ?» Et ça, c'était les premières années que j'arrivais à la Jami'a. À l'époque, Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafizahullah, il faisait son dars dans le Rawda, en avant de le Masjid al-Nabawi, sur le tapis vert. Non, il n'y avait pas beaucoup de place à cette époque-là. L'endroit était restreint. C'est plus tard après que son cours a été transféré plus loin en arrière dans l'aile ouest de la mosquée. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit wa minhu ma yakunu al-ma'nayan ghayrayn. Al-ma'nayan ghayrayn. Lakin لا يتنافيان فهذا قول صحيح وذاك قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما أو وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا، ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان، ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين. ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم أحدهما أو تضليلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية. سبحان الله. Donc ça c'est le passage numéro 152. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il donne un autre exemple encore. Il dit des fois les deux significations sont différentes. D'accord? Les deux significations sont différentes, mais elles ne s'opposent pas l'une l'autre. Cette position-là, c'est une position correcte, et l'autre, c'est une position correcte aussi. Même si yani, la signification de l'un n'est pas égale à la signification de l'autre. Et ça, c'est très souvent, on retrouve très souvent ça dans les questions de divergence. Et il dit, il dit parmi les exemples aussi, qu'est-ce qui est deux voies qui sont les deux ont été légiférées. Deux exemples, deux façons, les deux sont légiférées. Mais c'est possible que parfois une personne ou un groupe de personnes suivent une voie en question, puis que d'autres ont suivi une autre. Et les deux sont bonnes dans la religion. Mais l'ignorance ou l'injustice amène quelqu'un à blâmer l'autre, hein, l'autre position, ou à préférer une des deux sans que ce soit basé sur une intention valable, ou sans que ce soit basé sur de la science, hein, ou sans que ce soit basé sur une intention. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit ça c'est une troisième forme de ikhtilaf al-tanawwu'. Il dit wa huwa an yakuna al-ma'nayan mutaghayyiran walakin ma'a kulli معنى منها دليل منهما دليل ولكن مع كل معنى منهما دليل مما يدل على أن فعل أحد الأمرين صحيح لأن كلاهما مشروع وهذا كثير ما يأتي في المنازعات. Donc il dit la forme numéro 3 c'est quand les deux significations sont différentes mais chacune des deux ont une preuve et يعني ça, les deux, la preuve, elle indique que les deux positions peuvent être correctes. Parce que les deux sont légiférées. Et ça, on voit souvent ça revenir dans les divergences et dans les disputes. La quatrième exemple qui est mentionné par rapport aux divergences de variété, de variation, اختلاف التنوع, il dit, والنوع الرابع من اختلاف التنوع ما يكون طريقتان مشروعتان ويأخذ قوم بطريقة منهما ويأخذ آخر بالطريقة الأخرى وكلا الطريقتين حسن في الدين ولا يذم واحدة منهما إلا أو ولا يضم واحدة منهما إلا جاهل أو ظالم أو يفضل إحداهما على الأخرى بنية سيئة أو عن جهل أو من غير قصد. وخلاصة القول أن الاختلاف التنوع كل من أخذ بطرف منه فهو على حق ولا يذم ولا يلام لأن الأمر فيه واسع وكل طرف من أطرافه مشروع ومثله اختلاف المفسرين في تفسير بعض الآيات التي تحتمل عدة معان. Donc il dit la quatrième exemple c'est ça ressemble à l'autre. C'est quand il y a deux façons légiférées pour faire quelque chose. Il y a un groupe qui prend une façon, puis il y a un autre groupe qui prend une autre façon, et les deux sont bonnes dans la religion. Sauf que quelqu'un, il décide de blâmer une des deux, et il dit celui qui blâme une des deux, soit qu'il c'est par ignorance, ou soit c'est par injustice, hein, ou bien c'est parce qu'il préfère une des deux sur l'autre, par-dessus l'autre, mais sans que ce soit basé sur une preuve. Hein, soit parce qu'il a une mauvaise intention, ou soit parce qu'il est ignorant, ou soit parce que yani, il fait pas exprès, il s'est trompé, il préfère une des deux, pas exprès, juste comme ça. Il dit, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les divergences dans les variations, ou dans les variétés, dans la façon d'appliquer certaines pratiques, celui qui prend une des deux, ou une des positions, il est sur la vérité et on n'a pas le droit de le blâmer. On n'a pas le droit de le blâmer. Parce que dans cette question-là, l'affaire est, hein, il y a une marge de manœuvre. Donc tu peux, tu sais, t'as de la place, t'as de l'espace, tu peux avoir une différence de façon de faire dans ces questions-là. Et chacune des positions dans ces questions-là est légiférée. Et il donne un exemple de ça, c'est comme les divergences qu'on retrouve parfois dans les interprétations des savants de tafsir. Parfois, quand ils interprètent un verset ou un mot dans le Coran, ils vont ramener plusieurs significations. Et ces différentes significations-là, elles sont en réalité parfois des synonymes. C'est-à-dire qu'elles ont toutes la même signification. Donc, une ne vient pas contredire l'autre. C'est comme par exemple quand on a demandé à propos de Sirat al-Mustaqim. Qu'est-ce que ça veut dire Sirat al-Mustaqim? Il y en a qui ont dit c'est le Coran. Hein, ou bien Hablullah, c'est quoi le câble d'Allah? Certains ont dit c'est le Coran, d'autres ont dit c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'autres ont dit c'est la Sunna, d'autres ont dit c'est l'islam, hein, c'est la Sharia. Toutes ces différentes significations sont bonnes, hein? Donc elles ne se contredisent pas. En réalité, toutes ces significations-là sont comprises dans la définition. Ensuite, il donne maintenant des exemples pour Ikhtilaf al-Tadad. وأما الاختلاف التضاد اختلاف التضاد هو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور يقولون المصيب واحد وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب الاختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit ici dans le point numéro 153 que en ce qui concerne Ikhtilaf al-Tadad, ça c'est quand c'est une divergence qui implique une contradiction entre deux positions, que une oppose l'autre et la contredit, soit dans les fondements de la religion ou soit dans les choses qui découlent des fondements, dans les branches, al-furu'. Yani, il dit chez les savants des usul al-fiqh, la majorité des savants, ils disent dans ces questions-là il y a une seule position qui est vraie seulement. Il y a une seule position qui est correcte. C'est-à-dire, s'il y a deux positions, deux opinions, et qu'une contredit l'autre, il y en a une qui dit oui, l'autre a dit non. Par exemple, une position c'est que telle chose elle est halal. Et l'autre position elle dit ça c'est haram. Est-ce que les deux peuvent être vrais en même temps? Non. Quelque chose ne peut pas être halal et haram en même temps. Hein, dans les mêmes conditions, c'est pas possible. Si quelque chose te dit ça c'est vrai, puis l'autre ça dit ça c'est faux, est-ce que ça peut être vrai et faux en même temps? Non, c'est pas possible. Soit que c'est vrai, soit que c'est faux. Donc c'est pour ça que dans ces questions-là, les ulama disent dans ces questions-là, la vérité est une seule. Il peut pas se multiplier. C'est pas comme dans Ikhtilaf al-Tanawwu', d'accord? Il dit sauf si quelqu'un, par exemple, parmi les ulama, ils disent que il y a une règle ou il y a une parole que les ulama de usul ils mentionnent parfois, kullu mujtahidin musib. C'est-à-dire tout mujtahid, tout savant, grand savant, mujtahid qui fait un ijtihad dans un sujet, il a une bonne réponse ou il a raison. Le cheikh il dit ça c'est pas vrai de façon absolue. C'est seulement vrai dans les questions où il y a une divergence de variation. De tanawwu', ikhtilaf al-tanawwu'. Hein? Mais sinon, dans ikhtilaf al-tadad, les divergences qui impliquent une contradiction, c'est pas vrai que tout mujtahid il a raison. Soit qu'il a raison, soit qu'il a tort. Mais deux mujtahid qui arrivent à deux positions opposées et contradictoires, un a raison, l'autre a tort. Ils peuvent pas avoir raison tous les deux. Même si on va dire que celui qui s'est trompé, il est quand même récompensé, il a une récompense au lieu de deux, puis il n'est pas puni. Ça c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il a raison. Il y en a qui pensent que parce que le mujtahid est pardonné de son erreur et parce qu'il est récompensé, qu'il a une hasana au lieu de deux, ou une récompense au lieu de deux, que celui qui le suit dans son erreur, lui aussi va être pardonné, alors qu'il est au courant de l'erreur. et que sa position est erronée. Ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que tu dois bien comprendre la question de la divergence au propos de la personne qui abandonne la salat. C'est pas de façon ouverte comme la façon qu'on le présente, de la façon comme tu l'as dit. C'est la personne qui abandonne la salat, qui reconnaît son obligation et qui la délaisse par paresse. Pas qu'il la délaisse, n'importe quelle façon. Il y a une divergence. Mais sur la question, celui qui nie l'obligation de la salat, tous les savants sont d'accord qu'il est kafir. D'accord. Bon, on ne va pas rentrer dans ça tout de suite. Parce que ça, le cheikh, il va mentionner des cas qui ressemblent à ça. Ok, donc on va pouvoir comprendre. Oui, oui, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais vous allez, avec l'exemple qui va être mentionné, vous allez quand même comprendre, Inch'Allah, comment ça se passe. D'accord? Mais ça, c'est un sujet très important, en fait. Et le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ أَمَّ اخْتِلَافُ التَّضَادِ. Parce que la fin de dire que كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٍ ou الْإِخْتِلَافُ رَحْمَةٍ, la divergence est une miséricorde, et que tout le monde a raison, mais c'est comme chacun son opinion. Ça, c'est des opinions, ça, c'est des idées qui sont véhiculées, hein, même dans la société, ça fait partie même de la culture populaire des gens maintenant. Tout le monde a raison, tout est relatif. Ça, c'est vrai pour toi, mais pour moi, c'est pas vrai, hein. Ou bien pour toi, c'est vrai, mais pour moi, c'est pas vrai. C'est comme si la vérité, elle peut changer selon la personne. Hein? Alors que deux idées sont contradictoires. Tu sais, c'est comme par exemple, tu dis, oh ben moi je suis d'accord avec toutes les religions. Mais il faut que tu choisisses une, parce que si par exemple une a dit une chose, puis l'autre elle affirme le contraire, alors il y a une contradiction entre les deux. Ça veut dire que une doit être véridique, puis l'autre elle doit être fausse. Elle peut pas toutes les deux être vraies en même temps si elles se contredisent. Et c'est pour ça que si tu veux être cohérent, tu dois affirmer ce qui est vrai et nier ce qui est faux. Sinon, tu te contredis toi-même. Donc, soit que, par exemple, on va y revenir. Mais on va lire l'exemple que le cheikh il cite ici. Après, on va passer à d'autres exemples. Il dit قوله أما اختلاف التضاد وهو القولان المتنافيان فإن كان هذا الاختلاف في الأصول أي في العقيدة فهو لا يجوز لأنها توقيفية. Donc il dit que il y a la divergence qu'on appelle la divergence d'opposition ou de contradiction. C'est lorsque deux paroles ou deux positions sont en contradiction l'une par rapport à l'autre. Et ça, il dit, si c'est dans les fondements, c'est-à-dire dans la aqida, alors dans ce cas-là, c'est pas permis. Déjà, il faut comprendre ça, c'est un principe fondamental. Ça, là, si vous êtes en train de prendre des notes, là, écrivez ça. Parce que les gens de Bid'a, ils font pas de différence entre la divergence dans les fondements de la religion, puis la divergence dans les éléments qui découlent des fondements, mais qui ne font pas eux-mêmes partie des fondements, comme par exemple les différentes formes d'adoration ou les ibadat. Et eux, ils mettent les deux à égalité. C'est-à-dire que diverger dans l'aqida et dans le manhaj et dans les fondements de l'islam, ils comparent ça à la divergence dans les différentes formes de adhan, les différentes du'a al-istiftah et les différentes façons de faire l'iqama, comme on a mentionné dans Ikhtilaf al-Tanawwu. Donc ils font des divergences dans l'aqida, ils font de ça des divergences de variation ou de variété, hein, ou de diversité. Alors qu'en réalité, ça fait partie des divergences d'opposition et de contradiction qui sont interdites dans l'islam, puisque c'est des divergences dans les fondements. Et une chose ne peut pas être vraie et fausse en même temps, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il n'est pas permis de diverger dans ces questions-là, parce que la aqida, c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe tawqifi. C'est tawqifi. Ça veut dire, tu dois uniquement te limiter à qu'est-ce qui est dit dans les textes. Et tu ne peux pas sortir de ce qui est écrit dans les textes. Donc, si tu veux savoir c'est quoi ta aqida, tu te bases sur ce qui est dit dans le Coran ou dans la Sunna. Et ça s'arrête là. Ce qui est affirmé, tu l'affirmes. Ce qui est nié, tu le nies. Et tu ne vas pas plus loin que ça. Donc, par rapport à cette question-là, ça c'est clair. Maintenant, il dit le cheikh, وإن كان الاختلاف في الفروع عند الجمهور على القول أن المصيب من المجتهدين واحد فلا يجوز. أما الذين قالوا كل مجتهد مصيب فإنه يكون من اختلاف التنوع وهو جاهز. والمثال على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم عقب انتهاء غزوة الأحزاب: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة حين خرجوا إليهم وفي أثناء مسيرهم. نعم. دونك il dit وحين خرجوا إليهم وفي أثناء مسيرهم جانت حانت صلاة العصر في الطريق، فبعضهم توقف وصلى وقال مراد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة والمسارعة، وليس المراد أننا يعني نؤخر صلاة العصر عن وقتها ثم نصليها في بني قريظة. والبعض الآخر قالوا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي إلا إذا وصلنا، فلم يصلوا في الطريق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر الطائفتين لأن الدليل يحتمل القولين. Ça c'est une histoire, ça c'est un exemple qu'on entend souvent et il faut bien la comprendre parce que c'est très important. Il dit que en ce qui concerne les divergences dans le furu', c'est-à-dire des choses qui ne sont pas parties de la aqida et des fondements de la religion. Donc dans les choses dans lesquelles il y a des divergences sur le fiqh et des choses comme ça, les questions d'ijtihad, hein, il peut y avoir des divergences entre les ulama. Et la majorité des savants, ils disent que il y a une seule position qui est correcte dans l'ijtihad. C'est pas tout le monde qui a raison. Mais il y en a d'autres qui disent tous les mujtahidines ont raison. Hein? Et il dit que ça c'est si c'est une forme d'ikhtilaf tanawwu'. Si c'est une forme d'ikhtilaf tanawwu', dans ce cas-là c'est permis. Sinon, c'est pas permis. Si c'est ikhtilaf al-tadad, c'est pas permis. Donc il dit wal-mithalu ala dhalika qawlu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit l'exemple de ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la bataille de Al-Ahzab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba que nul d'entre vous ne prie salat al-asr excepté à Bani Qurayza. Bani Qurayza, c'est quoi? C'est une tribu parmi les tribus juives de Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, écoutez, tout le monde venez me rejoindre à Bani Qurayza et que personne prie l'Asr excepté quand, hein, excepté à Bani Qurayza. Alors, dans le chemin, les sahabas sont partis et dans le chemin, le temps de la prière de l'Asr est arrivé. Alors, certains ont compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une façon, et les autres ont compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une autre façon. Les premiers, ils ont dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne ne prie salat al-asr excepté quand il va être à Bani Qurayza, il nous a dit ça dans le but de nous inciter à aller vite et de nous dépêcher pour arriver pour prier l'asr là-bas. Et l'autre groupe a dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il ne voulait pas dire de nous dépêcher. Il voulait dire marchez jusqu'à ce que vous arrivez à Bani Qurayza, même si la prière d'Asr est rentrée, continuez quand même et arrivez à Bani Qurayza, on va prier l'Asr là-bas. Donc les deux ont compris la parole du prophète sallam de façon différente. Une fois qu'ils sont arrivés à Bani Qurayza, le prophète sallam a entendu qu'est-ce qui s'est passé dans le chemin et qu'il a appris qu'ils ont divergé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé ni l'un ni l'autre. Il n'a pas dit que ceux qui ont prié en chemin avaient tort, et il n'a pas dit que ceux qui ont prié à Bani Qurayza avaient tort. Pourquoi? Parce que chacun a pris une façon de comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a possibilité de comprendre cette parole-là de ces deux façons. Donc aucun des deux n'a été blâmé. Et ça, ça fait partie des exemples de ce qu'on appelle ikhtilaf al-tanawwu. D'accord? Mais il y a aussi une chose par rapport à ce que Cheikh Al-Fawzan mentionne ici dans ce hadith, et que souvent les hizbiyins, eux, ils ne tiennent pas en considération par rapport à ce hadith-là, parce qu'eux, ils aiment citer ce hadith pour l'appliquer et le mettre dans toutes les sauces. Hein? Mais ça ne s'applique pas à tous les cas de divergence. Ça s'applique à des cas de divergence qu'on appelle ikhtilaf al-tanawwu, comme on l'a dit, pas ikhtilaf al-tabad. Et ici, on va dire que il y a quand même une possibilité, il y a quand même une divergence de contradiction ici dans la compréhension des sahaba. Mais il ne faut pas oublier que à l'époque où cette parole a été dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant encore. Et la révélation continuer à descendre. Donc, c'est pour ça que les ulama ont dit, comme Al-Hafiz ibn Hajar, Al-Asqalani, il a dit à propos de ce hadith, que ça c'est dans Zaman al-Tashri', c'est à l'époque de la législation. Et la législation n'était pas finie. Si c'était aujourd'hui que cette situation se produit, c'est pas possible. Puisque nous on sait qu'on doit prier l'Asr dans son temps. Et qu'on n'a pas le droit de le faire sortir de son temps. D'accord? Donc quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui, moi je vais retarder l'Asr jusqu'à après le Maghreb. Puis je vais arriver à telle place. Non, parce que on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Les prières sont légiférées pour être priées dans des temps bien spécifiques. Donc tu ne peux pas le faire. Hein? Tu peux réunir entre Zohr et l'Asr. Tu peux réunir entre le Maghreb et l'Isha, mais tu ne peux pas réunir entre l'Asr et le Maghreb. Hein? Donc, il faut comprendre ce hadith-là, c'est un hadith qui montre que, oui, si deux savants ont compris le même hadith, mais de façon différente, et que les deux compréhensions qu'ils ont eues, les deux sont valables, oui, dans ce cas-là, il peut y avoir une divergence, et cette divergence-là va être hein, acceptable. Allahu a'lam, je ne sais pas pour cette question-là, mais si je te donne un autre exemple que je peux trouver plus concrète, c'est l'exemple, comme par exemple ceux qui disent dans le Ramadan, il y en a qui disent chacun prie avec la vue de sa région, là où il est. Et d'autres disent tu jeûnes. Yani, peu importe où est-ce qu'on a entendu qu'on a vu la lune, on jeûne. Et les deux se basent sur le même hadith. Le hadith du prophète sallam qui dit Soumou li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. C'est-à-dire, jeûnez quand vous le voyez et brisez le jeûne quand vous le voyez, c'est-à-dire le hilal. Donc les deux, ils se basent sur le même hadith, mais ils l'appliquent différemment. Il y en a qui l'appliquent pour leur région, il y en a qui l'appliquent pour la terre au complet. Tu vois? Mais les deux ont... ceux qui ont pris une compréhension du hadith, ils n'ont pas blâmé les autres. Même si, il y en a d'autres qui vont les blâmer dans le sens qu'ils vont considérer que c'est pas tout le monde qui va nécessairement être capable d'entendre l'information que la lune a été vue à certains endroits. Par exemple, un endroit où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de radio, et personne ne peut savoir qu'ailleurs dans le monde on a vu la lune. C'est un petit village quelque part dans la brousse ou loin des grandes villes, et eux, ils n'ont pas vu la lune, ils ne vont pas jeûner. Même si elle a été vue ailleurs, ils ne peuvent pas le savoir parce qu'ils sont coupés de l'information des autres villes. Et à l'époque, c'était comme ça, parce qu'il y avait. Et même dans certaines régions, maintenant c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut voir la façon d'appliquer le hadith selon le contexte aussi dans ces divergences-là. Et oui, donc maintenant on va rentrer dans la question que le frère il a posée. Puis je pense qu'on va finir avec ça, Inch'Allah. Le Cheikh il dit فهذا الخطب فيه فيه أشد فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول بالباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا حقا ما فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. Donc il dit la question ici c'est plus compliqué, c'est plus difficile quand c'est les questions de ikhtilaf al-tadad. Il dit parce que les deux positions se contredisent l'une l'autre. Et il dit, tu peux trouver souvent que plusieurs d'entre ceux-là, il dit une parole qui est fausse. Alors, peut-être que pour un d'entre eux, la parole est fausse. Hein, là, comme si pour quelqu'un, la parole de la personne avec qui il n'est pas d'accord, sa parole, elle est fausse. Mais il y a peut-être une partie de vérité dans ce qu'il dit. Hein? Ou bien, il a peut-être avec lui un dalil qui implique qu'il y a une certaine vérité dans ce qu'il dit. Mais il rejette la vérité de cette base-là en entier. Hein? Et il ne laisse rien de cette partie de vérité qu'il a avec lui. Il dit, on a vu beaucoup de gens parmi les gens de la Sunna dans certaines questions qui ont rapport avec le qadar et les attributs et la foi en les sahaba et autres qui ont agi un peu de cette façon-là. Donc le cheikh il va expliquer, il dit Cheikh Al-Fawzan il va expliquer là-dessus. Il dit قوله فهذا الخطب فيه أشد أي أن الأمر في الاختلاف التضاد عظيم وخطير والمصيبة فيه أشد من المصيبة التي تحصل باختلاف التنوع لأن القولين يتنافيان لا يجتمعان والجمع بين الضدين مستحيل. Donc le cheikh il dit c'est ça, c'est plus dur dans les questions de divergence, d'opposition et de contradiction, et c'est plus dangereux et c'est plus grave. Et le malheur qui en découle est plus grand. Et les problèmes qui en découlent, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que, c'est pas pareil comme ikhtilaf al-tanawwu. C'est pas pareil comme la divergence des différentes variations de faire les choses. C'est plus grave. Parce que dans ces divergences d'opposition et de contradiction, il y a contradiction. Donc les deux positions ne peuvent pas se réunir. Et donc, on ne peut pas réunir entre deux choses qui sont contradictoires. Et il dit, وَهَذَا كَمَا سَبَقْ قَدْ يَكُونُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ شَيْءٌ مِنَ الْحَقِّ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَجْحَدَ الْحَقِّ الَّذِي مَعَ الْآخَرِ بَلْ يَقْبَلُ مَا مَعَهُ مِنَ الْحَقِّ وَيَرُدُّ مَا مَعَهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَهَذَا هُوَ الْعَدْلُ وَالْإِنْصَافُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ هَذَا ظَلَمَ فالمسلم مطلوب منه أن يقول الحق ولو على نفسه لأن المسلم بغيته الحق والحقيقة وليس بغيته أن ينتصر لمذهبه أو رأيه حتى وإن كان خطأ. Donc il dit que comme on a expliqué quand on a parlé des autres exemples de deux personnes qui divergent à propos de la vérité, il n'est pas permis de renier la vérité que l'autre possède. C'est-à-dire, même si quelqu'un est en divergence avec toi, s'il dit quelque chose de vrai, tu n'as pas le droit de le renier. Hein? C'est comme, par exemple, on discutait l'autre jour avec un frère, et il y a une chose qu'il a dit, c'était vrai. On ne va pas le nier, qu'est-ce qu'il a dit. Même si lui, sa position est dans... Il défend quelque chose qui est basique. Mais l'exemple qu'il a donné... ou la situation qu'il a mentionné, ça c'est quelque chose qui est vrai. Donc on ne va pas le nier, ce qu'il dit qui est vrai. Mais oui, ça, qu'est-ce que tu dis là, ça c'est vrai, c'est un exemple qui est vrai. Mais il faut le mettre dans le contexte comme il faut. Il faut bien le comprendre. Donc, il dit, tu ne vas pas nier la vérité qui est avec l'autre parce qu'il est sur une position... qui est fausse. Non. Même s'il est sur une position qui est fausse, s'il a quelque chose de vrai, quand il dit quelque chose de vrai, tu dois l'accepter. Et ça c'est la justice. Hein? Et tu rejettes ce qu'il a de faux. Tu acceptes ce qu'il a de vrai et tu rejettes ce qu'il a de faux. Et c'est ça la justice, et c'est ça, hein, la, il y a un nid d'être, hein, al-insaf, il y a un nid d'être, d'être juste et correct. Yani, sinon, tu agis injustement. Et donc, le musulman, il est enseigné et il est exigé de lui qu'il dise la vérité, même si la vérité est contre lui. Subhanallah. Donc, même si la vérité, ça vient, ça va yani, être contre ton point de vue ou ta position, ton opinion, tu es obligé de le défendre et de l'accepter. Hein? Même si, par exemple, le fait de dire cette vérité-là, ça va prouver que c'est toi qui es dans le tort, tu dois quand même dire cette vérité. Et il dit donc que le musulman, il doit rechercher la vérité et la réalité. Il ne doit pas essayer seulement de défendre son opinion et son point de vue, ou son opinion, même s'il est dans l'erreur. Il y a des gens comme ça. Il a une opinion, il a une idée dans sa tête, il cherche à tout prix à la défendre et à la supporter, même si elle est fausse. Subhanallah. Et il ne va pas chercher les preuves de la vérité, il va chercher les preuves pour supporter son opinion. Ça, c'est pas honnête d'agir comme ça. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu te fais ton idée dans ta tête, puis après tu cherches dans le Coran, dans la Sunna, qu'est-ce qui va le supporter? Alors que tu es supposé de faire le contraire. Tu es supposé de chercher la vérité dans le Coran, dans la Sunna, et après de mettre tes croyances en ligne avec qu'est-ce que tu as trouvé dans la révélation. Exactement. Tu crois, après tu cherches les preuves. Alors que tu es supposé de chercher les preuves et après de croire. Hein? Après le cheikh, il dit وَهُنَا لَا بُدَّ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى مِثَالٍ يَتَّضِحْ بِهِ الْمَقَالِ حيث يسأل البعض هل الاختلاف في حجاب المرأة مثلا من اختلاف التنوع أم التضاد أم التضاد. Donc l'exemple comme le frère, qu'est-ce qu'il a posé comme la question tantôt, ça ressemble un peu à ça, même si c'est pas exactement pareil, mais ça ressemble. Cheikh il dit, il faut absolument indiquer ici un exemple qui va clarifier un peu la situation et qu'est-ce qu'on est en train de dire. Certaines personnes posent la question au sujet de la divergence au sujet du hijab de la femme. Par exemple, est-ce que ça c'est une divergence de variation ou une divergence de contradiction et d'opposition? C'est-à-dire la question du hijab par rapport au visage de la femme. Est-ce que c'est obligatoire que la femme couvre son visage ou non? Et est-ce que c'est une divergence de variation, qu'elle a le droit de le couvrir ou qu'elle a le droit de ne pas le couvrir selon son choix? Ou est-ce que c'est une divergence d'opposition et de contradiction, que soit que c'est obligatoire ou soit que c'est pas obligatoire, mais les deux peuvent pas être vrais en même temps. Donc le cheikh il dit والحقيقة أن حجاب المرأة مبني على أدلة على أدلة للقائلين بوجوبه والقائلين بعدم وجوبه لكن القائلين بعدم وجوبه أدلتهم منسوخة بأدلة الحجاب لأن النساء في أول الأمر كانت تكشف وجهها حيث رخص لهن ذلك ثم أمرنا بالحجاب حين قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وفي قصة عائشة رضي الله عنها ما يبين هذا الأمر وذلك لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره وقد تأخرت عن القوم ولما ذهبت تقضي حاجتها فجاءت ووجدت القوم قد سافروا وهم يظنون أنها في الهودج فبقيت في مكانها وقد أخذها النوم حتى جاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه فرأى سوادا في المكان فلما تأكد أنها عائشة رضي الله عنها قال إنا لله وإنا إليه راجعون فأناخ راحلته وركبت عائشة وقاد بها الراحلة حتى لحق القوم قالت فاستيقظت باسترجاعه وكان يعرفني قبل أن يفرد الحجاب فعرف أنها عائشة والشاهد من هذه القصة أن الحجاب إنما فرض متأخرا فالذين أخذوا بجواز كشف المرأة أو كشف الوجه يعني أخذوا بأدلة منسوخة. Donc le cheikh il dit la réalité c'est que le hijab de la femme est basé sur les preuves de yani la question de, du hijab de la femme c'est basé sur les preuves de ceux qui disent que c'est obligatoire de couvrir le visage et des paroles de ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire de couvrir le visage. Mais ceux qui disent que le visage de la femme il n'est pas obligatoire de le couvrir, leurs preuves sont des preuves qui sont abrogées par les preuves de l'obligation du hijab. Il dit parce que les femmes au début elles découvraient leur visage au début de l'islam. Elles se voilaient mais elles ne couvraient pas leur visage parce que cela leur était permis au début. Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le hijab et c'est à ce moment-là qu'elles ont été ordonnées de se couvrir le visage. Et il mentionne le verset 59 dans sourate Al-Ahzab dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Oh toi le prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants qu'elles rabattent sur elles leur djilbab, leur djalabib. » Le pluriel de djilbab c'est djalabib. « An yudnina alayhin » qu'elles rabattent sur elles leur djilbab. Et la définition de ça, c'est comme ça a été décrit par les salafs, qu'elles ramenaient sur elles, elles mettaient sur elles un grand tissu qui couvrait tout leur corps, de la tête jusqu'aux pieds, et qu'elles ne laissaient qu'un seul œil pour voir le chemin, comme ça a été décrit par les sahaba et par les tabi'in. Et donc, ça c'était après l'ordre du hijab. Il dit dans l'histoire de Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle était sortie dans un des voyages avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle était sortie pour aller faire ses besoins. Elle s'est écartée du camp où les gens s'étaient arrêtés pour faire ses besoins. Lorsqu'elle est revenue, elle a trouvé que les gens étaient partis parce que ils s'imaginaient qu'elle était encore dans les femmes, quand elles voyageaient, les femmes en général à l'époque, leurs chameaux, on mettait sur leurs chameaux une genre de boîte ou une cage avec des rideaux. Puis elles s'assoyaient à l'intérieur, on ne les voyait pas. Et étant donné qu'Aïcha radiallahu anha, elle était très légère, petite à cette époque-là, ou parfois des fois, s'il n'était pas sur le dos de chameau, il y en a qui les portaient avec les trucs là, mais sinon. D'après qu'est-ce que je me souviens de l'histoire, c'est ça. Elle était sur un chameau avec une, qu'est-ce qu'on appelle, al-houdaj. Eux, ils pensaient qu'elle était encore à l'intérieur. Ils ne savaient pas qu'elle était partie pour aller faire ses besoins. Donc, quand elle est revenue, elle a trouvé que les gens sont déjà partis. Donc, elle s'est allongée, elle a dormi. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans les voyages, il y a toujours quelqu'un qui reste en arrière pour vérifier que personne a oublié quelque chose et que personne n'est perdu et ainsi de suite. Donc c'était un sahabi qui s'appelait Safwan ibn al-Mu'attal radiallahu anhu et il est donc arrivé par la suite, il a vu une noirceur par terre, donc elle était habillée en noir, donc il a reconnu que c'était Aïcha. Il s'est approché et il a vu que c'était Aïcha et il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et il a monté derrière lui sur son chameau et il est parti retrouver les autres avec elle. Et quand il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, elle s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, il l'a reconnu. Il a dit je l'ai reconnu parce que je l'avais vu avant que le hijab soit obligatoire. C'est-à-dire qu'avant que les femmes commencent à se couvrir le visage, il avait vu son visage déjà. Donc c'est comme ça qu'il l'a reconnu. Il a su que c'était Aïcha, radiallahu anha. Et donc, le témoin, qu'est-ce qu'on veut tirer de cette histoire, c'est que le hijab, le fait de couvrir le visage, dans le hijab, ça c'était uniquement ordonné par la suite. Donc ceux qui disent, ou ceux qui prennent la position que c'est permis à la femme de se découvrir le visage, eux, ils ont pris des preuves qui sont abrogées. Et souvent, c'est ça qu'ils font. Comme par exemple, les hadiths où ils vont dire que dans telle situation, on a décrit le visage d'une femme. Ou à tel moment, une femme a parlé et ses joues étaient de telle couleur. Les ulama ont dit ça, c'était des hadiths à propos de ces situations-là. C'était avant que le hijab soit obligatoire. Hein? Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Et c'est ça que les ulama ont répondu à Cheikh Al-Albani quand il a ramené des preuves pour essayer de dire que non, c'est pas obligatoire. Les ulama ont dit, les hadiths que tu as rapportés sur ce sujet-là, c'est des hadiths qui sont avant l'ordre du hijab et non pas après. Donc c'est pas des preuves. Et le hadith de Asma bint Abi Bakr, la sœur de Aïcha radiallahu anha, qu'elle était rentrée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des vêtements qui étaient transparents ou qui la couvraient pas correctement, et qui lui a dit: oh Asma, lorsqu'une femme atteint l'âge de la puberté, il n'est pas permis pour elle de montrer autre chose que ceci et ceci. Il a pointé vers ses mains et son visage. Ce hadith-là, il est daïf. Et les ulama, ils l'ont mentionné. Et même Cheikh Al-Albani, il l'a mentionné. Et il a dit, et il y a beaucoup de problèmes dans l'isnad de ce hadith. Et il a dit en même temps, en plus, Aïcha radiallahu anha, elle est plus âgée que Asma. Elle est plus âgée que Aïcha radiallahu anha. Et elle est la femme de, je pense que c'était la femme d'Abdullah ibn Zubayr. Donc, ou bien un autre sahabi, j'ai oublié son nom. Donc c'est pour dire qu'elle était une femme plus âgée et elle connaissait la religion. Et elle a un mari aussi qui connaît l'islam aussi. Il ne va pas la laisser sortir avec des vêtements qui laissent montrer son corps ou qui ne la couvrent pas correctement. Hein? Donc c'est pour dire que cette histoire, ce hadith, il est faible. Et après le cheikh, il dit: wa amma alladhina yarawna sitra al-wajh fa innama akhadhu bil adillati as-sahiha al-mutaakhira as-sariha allati laysa biha labs. ومثل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومعنى قوله تعالى يدنين المقصود به تغطية وجوههن لأن عليها جلبابا من الأصل والمطلوب أن تغطي وجهها منه كما بينه عبيدة السلماني لما سئل عن معنى الآية فأخذ بطرف ثوبه وأضفاه على وجهه وقال هكذا. وهذا تفسير تلقاه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالآية صريحة في تغطية الوجه. Donc le cheikh, il dit, en ce qui concerne ceux qui considèrent que de couvrir le visage est obligatoire, ils ont pris les preuves qui sont authentiques et qui sont venues par la suite, qui ne sont pas abrogées, et qui sont explicites dans la question de porter le hijab. Et il mentionne le verset 59 dans sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants qu'elles rabat, yudnina. Et le cheikh explique que yudnina alayhinna min jalabibihinna, il dit que yudnina, ça veut dire couvrir le visage. Pourquoi? Parce qu'elle portait déjà un jilbab à l'avance. Et donc, le fait de faire al-idna ou yudnina, ça voulait dire, comme ça a été expliqué par Ubaidah Salmani, il a dit, quand on lui a posé la question sur la signification du verset, il a dit, ça veut dire, elle prend une partie de son vêtement, puis elle couvre son visage avec. Et il a montré comment elle le fait. pour montrer qu'elle ne laisse qu'un seul œil et ainsi de suite. Et ça, c'est un tafsir qui a été mentionné également et qu'il a pris de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et donc, le verset est explicite et clair sur l'obligation de couvrir le visage. Il dit, ثم قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب ما معنى وراء حجاب إنه حجاب لجميعها من باب أو ثوب أو حائط يسترها عن الرجال. Il dit, puis ensuite, c'est quoi la signification du verset 53 lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie demandez-leur de par derrière un voile ou un rideau. Il dit, ça signifie quoi? Il dit, ça signifie qu'elle doit être couverte au complet. Il dit, soit qu'elle va être couverte par la porte, ou par un vêtement, ou par un mur qui la couvre des hommes. ثم إن حديث عائشة صريح في ذلك حيث قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. Elle dit, puis ensuite le hadith de Aïcha radiallahu anha qui est rapporté par Abu Dawood, il dit que lorsqu'elles étaient en état d'ihram avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca et que des hommes passaient près d'elles, elles rabattaient leur khimar par-dessus leur visage, de leur tête sur leur visage. Et lorsque les hommes les dépassaient et s'en allaient au loin, elles découvraient leur visage. Parce que dans l'ihram, c'est pas permis qu'une femme porte un quelque chose qui est fixé et qui reste sur son visage. Elle doit le couvrir avec son vêtement, mais pas avec un niqab ou quelque chose de spécifique. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tantaqib al-muhrima wa la talbis al-qaffazain » Donc elle n'a pas le droit de porter le niqab dans l'ihram et elle n'a pas le droit de porter les gants. Non. Oui, c'est ça. Mais c'est ça l'ihram. Oui, bien entendu. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait le hajj. Il n'y avait pas beaucoup. Il y en avait, mais pas comme maintenant. Là, c'est des millions. Donc maintenant, c'est sûr, la femme, elle doit couvrir son visage, mais pas avec un niqab, pas avec quelque chose qui est fixé. D'accord? Et il dit, il faut savoir une chose aussi, c'est que dans tous les pays musulmans, les femmes couvraient leur visage avant la colonisation. En général, dans les pays musulmans, les femmes, même en Turquie et ailleurs, en Égypte et ailleurs, les femmes, elles couvraient tout leur visage. Et pour les musulmanes, le hijab, c'était couvrir tout le corps, la tête aux pieds, le visage compris. C'est seulement après la colonisation, quand les femmes ont commencé à se dévoiler le visage, que le visage a commencé à diminuer de plus en plus. Et là, aujourd'hui, les gens pensent, parce qu'avec la tendance des ikhwan, c'est les ikhwan qui ont ramené le petit foulard là, sur les cheveux, avec les robes et les pantalons. Ça, c'est le hijab qui a été inventé par les hizbiyins pour accommoder les filles étudiantes et les choses de cette catégorie de musulmanes qui ne pratiquent pas le hijab selon la sunna. Mais sinon, toutes les femmes, elles portaient le voile de la tête aux pieds au Maroc, dans le Maghreb, en Égypte et dans les pays du Moyen-Orient et même en Turquie et ailleurs. Il y en a à Atatürk, il y en a. Oui, il y a même des images anciennes, yani, subhanallah. Mais ça me fait rire, justement, quand il y avait... Non, c'est ça, quand il y avait le débat sur... le voile intégral en France, quand ils voulaient l'interdire, un des hommes français, il a ramené des photos de l'époque de la colonisation, justement, française, à l'époque où les Français, donc l'Algérie faisait partie de la France, et les femmes portaient qu'est-ce qu'ils appellent le haïk. Hein, les femmes portaient le haïk, c'est un long vêtement, comme le djilbab, puis elles couvraient leur visage. Hein? Non, j'ai entendu ça aussi. Donc c'est pour dire. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'était déjà accepté. C'est juste après que les femmes ont commencé à se dévoiler et à enlever qu'est-ce qui couvre leur visage. Après il dit donc, on va juste terminer, il reste deux petits points. Il dit وقولها فيما سبق قبل أن يفرض علينا الحجاب. أي نعم صريح في أن الحجاب فرض بعد أن كان غير مشروع وهذا صريح في النسخ. C'est-à-dire que dans le hadith qu'on a lu tantôt, quand il a dit avant que le hijab soit rendu obligatoire pour nous. C'est-à-dire il l'avait vu avant que le hijab soit obligatoire pour nous. Il dit ça c'est explicite et clair sur le fait que le hijab était quelque chose qui n'était pas légiféré au début de l'islam, puis que ça a été légiféré par la suite. D'accord ? Donc ça c'est clair qu'il y a eu une abrogation. Et il dit « وقول الشيخ كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم أي ما حصل من الخلاف في هذه المسائل سببه أن كل فريق من المختلفين يدلي بأدلة تحتاج إلى إجابة صحيحة تدفع الاختلاف وتبين الحق وقد حصل هذا والحمد لله في كل مسألة من المسائل المذكورة. Donc il dit que Cheikh al-Islam il a dit c'est comme j'ai vu de la part de plusieurs parmi les gens de la Sunna dans les questions du qadar, la prédestination, des attributs d'Allah et la foi en la position envers les sahaba et ainsi de suite. Il dit qu'il y a des divergences qui se sont produites à propos de ces choses-là de la part de différentes positions hein, ou de personnes qui ont divergé dans ces choses-là. Chacun prenait des preuves qui nécessitaient une certaine réponse pour clarifier la divergence à son sujet, qui repousse la divergence justement et qui montre la vérité et qui explique la vérité au sujet de ces questions-là. Et il dit ça a été fait, alhamdoulilah, c'est-à-dire que dans chacune de ces questions qui a été mentionnée, les ulama ont ramené la clarification au sujet de ces questions-là et des preuves authentiques qui les clarifient et qui repoussent les divergences dans ces sujets-là. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis, la prochaine étape, ou le prochain point des divergences dans les contradictions, c'est qu'est-ce qui a rapport avec les gens de Bid'ah. Et c'est ça qu'il va parler, c'est de ça qu'il va parler au prochain cours, Inch'Allah. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيك بركة.